de l'éducation de ses enfants, nous n'avons pas su comprendre les conséquences de notre éducation. Nous sommes intervenus dans leur écosystème psychologique, ce qui est une bonne chose lorsque l'homme connaît les conséquences. L'écologie psychologique est extrêmement importante pour pouvoir en arriver à maintenir une santé mentale. Je répète que l'homme ne doit pas, présentement, en ce qui vous concerne, rechercher la santé mentale. Il doit surtout veiller à l'entretien de la santé mentale. Et l'entretien de la santé mentale va être fait par l'entretien de tout ce qui découle ou de tout ce qui supporte cette santé mentale, donc la base, le corps physique. Tu devrais avoir une question. On va se faire un écosystème communautaire autour du micro. Daniel, au niveau, tantôt, tu parlais de résonance, tout ça. Je remarque que pour avoir travaillé dans ces milieux-là, un petit peu à un moment donné, bon, on vit à un moment donné avec des mécanismes de défense, tu sais, tout le monde, qui est un peu un écosystème. T'sais, tu dis quelque chose qui ne fait pas ton affaire, tu le nies, tu le projettes sur l'autre, tu rationalises, etc. C'est un peu un écosystème fermé, disons. Puis ça marche, à un moment donné, relativement bien. Puis à un moment donné, il arrive un bon matin que ces mécanismes de défense-là qui marchaient hier, ils ne marchent plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? C'est une bonne question, on va répondre ça à la deuxième partie. Bon,